J'aime la musique de tous les continents, qu'elle soit celtique, baroque ou dans le vent. J'aime la musique et ses rythmes dansants au cœur de la vie en transe. Au cœur de la vie en transe. Cordes sensibles de tous les habitants, qu'ils soient d'ici, d'ailleurs ou hors du temps, pourvu qu'elle vibre au son des battements, au cœur de la vie en transe. Au cœur de la vie en transe. Musique de tous les continents. J'aime toutes les musiques de tous les continents. J'aime toutes les musiques de tous les continents. J'aime toutes les musiques de tous les continents.